de Shanghai à Valparaiso. Cette vie qui tenaille le cœur des matelots. C'est un parfum de vanille, un air de samba, un sourire de manille, un coup de raffia. Elle dérive de Macao au Guatemala. Cette fille qui inspire le coup de tabac. C'est une passion fatale, un joli poison, un remède, une fringale, un doux édredon. Une fille, une belle fille, aussi bien chaloupée, dans un port du Pacifique, il ne faut pacifier. Une fille, une belle fille, aussi bien charpentée, dans un port de l'Atlantique, à tout pour tenter. Pour l'Inde de Saint-Domingue, à Porto Rico, cette fille qui ondule de swing en tango. Un roulement de ses hanches pour nous évader, vers des rêves de nuit blanche à nous épuiser. Elle zigzague de Copenhague à San Lorenzo. Cette fille qui démate les hommes à gogo. Un joli coup de chance, un carton plein pot. Un atout pour l'espérance, un sacré banco. Une fille, belle fille, aussi bien chaloupée, dans un port du Pacifique, il ne faut pacifier. Une fille, belle fille, aussi bien charpentée, dans un port de l'Atlantique, à tout pour tenter. Elle dérive des Maldives à Sao Paulo, cette brune qui balance le bas de son dos. Grain de beauté qui soupire toutes les folies, une diva qui s'étire en toute insomnie. Elle cartonne de Lisbonne jusqu'à Saint-Malo, cette blonde qui fredonne de si tendres slows. Une sacrée différence, un cœur tout froissé, le tout début de ma chance, un conte de fées. Une fille, belle fille, aussi bien chaloupée, dans un port du Pacifique, il ne faut pacifier. Une fille, belle fille, aussi bien charpentée, dans un port de l'Atlantique, à tout pour tenter. Une fille, belle fille, aussi bien chaloupée, dans un port du Pacifique, il ne faut pacifier. Une fille, belle fille, aussi bien charpentée, dans un port de l'Atlantique, à tout pour tenter.